viens. Loin de cette route, viens si loin, ne me dis rien. Même si je t'entoure, je suis maladroit, et des fois, sans même me doute, te déçois. C'est pour ça, c'est pour toi. J'ai comme des délires, tu t'éloignes de moi, comprends-moi. On a tant de choses à vivre, j'ai le mal de vivre, tu es loin de moi, attends-moi, attends-moi. Viens, viens, loin de ce monde, viens si loin, ne me dis rien, ne me dis rien. Sans même ne touche, je fais mal parfois, et des fois, sans même ne doute, te donne froid, c'est pour ça. C'est pour toi. S'il te vient des doutes, quand tu es dans mes bras, ne pense pas. On a tant de choses à vivre. S'il te vient des doutes, quand tu es loin de moi, reviens-moi. Reviens-moi. Viens, loin de cet enfer. Viens très loin. Ne pense à rien. Ne pense à rien. N'écoute pas ces ombres qui t'éloignent de moi. Et suis-moi. Referons un monde, et ces lois, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour ça.